Bonux Automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau cadeau bonus d'Itis le podcast. Alors pour ce nouveau numéro, je reçois aujourd'hui Charlotte. Est-ce que ça va Charlotte ? Ça va très très bien. Et toi, comment vas-tu ? Ça va très très bien aussi. Je reçois également Imraj. Est-ce que ça va Imraj ? Alors sur une échelle de 1 à 10, je dirais bleu. Camoulox. Merci Imraj. Alors, si nous avons une fine équipe telle aujourd'hui, c'est pour aborder une thématique à base de look des années 80, car comme vous le savez, les années 80 sont riches en look, imposés ou non, au niveau vestimentaire, accessoires et autres. Alors on va attaquer une sélection diverses et variées. On va prendre le premier choix d'Imraj, à savoir LC Waikiki. Alors LC Waikiki, qu'est-ce donc ? Explique-nous ça, Imraj. Et pourquoi ce choix ? Voilà. Alors déjà, il y a deux écoles, il y a les gens qui disent LC Waikiki. C'était la première fois que je l'entendais quand on a commencé à parler du sujet. Et moi je disais le Waikiki, alors c'est un peu bizarre et tout ça, mais bon voilà, on se comprend tous. Donc LC Waikiki, c'est une marque de vêtements, enfin essentiellement du vêtement et des accessoires, qui a été fondée en 85 par une bande de copains, donc ce qui explique le LC qui veut dire les copains, qui était matérialisé par une mascotte, c'était un chimpanzé, je pense. C'était un singe quoi. Voilà, un singe, un gorille, un petit gorille un petit peu frêle. Et ce qui était intéressant avec ce truc-là, c'est qu'ils avaient vraiment trouvé un bon filon. Déjà, les t-shirts étaient sympas parce qu'il y avait toujours un beau dessin d'un beau singe sur une scène. Et en plus, chaque fois qu'on achetait un truc, on avait un porte-clés. Donc, il y avait plusieurs types de porte-clés. Donc, il y en avait des plats un petit peu en plastique. Et il y en avait même certains qui... c'était carrément des figurines avec du fil de fer à l'intérieur qu'on pouvait tordre. Enfin, je sais pas si vous avez eu ça. Moi, je trouvais ça pas très beau, en fait, donc du coup... Non, moi, j'adorais, quoi. Et voilà, et pour la petite histoire personnelle, et on va sortir les violons, mes parents ne m'achetaient pas de... Vêtements Tu vivais nu vêtements. En fait, comme un verre. J'ai grandi dans un... Dans une ferme, au fond des bois. Tu vas te taire, oui. Calmez-vous. J'ai grandi dans un centre de loisirs, et donc, en fait, je m'habille avec ce que les enfants oubliaient quand ils partaient à la fin de l'été. Donc et rares étaient les t-shirts LC Waikiki. Non, j'en avais plein. Oublié, parce qu'il y en avait des oubliés, je pense, tu vois. J'en avais plein. J'en avais des dizaines. J'en ai eu vraiment plein. J'avais eu aussi des suites et tout ça. Seulement, j'avais jamais les petits porte-clés et tous mes potes à l'école et tout ça, ils avaient les porte-clés et moi, j'ai jamais eu. Enfin, j'en ai peut-être eu un ou deux à tout péter, quoi. Ils les avaient d'occasion et ils voulaient en plus le porte-clés, quoi. Je veux dire. Bah, bien sûr. Mais, okay. Mais tu les gardais après ou tu les portais juste le temps que. Bah, disons que c'était la période où je faisais ma croissance, donc je les portais un an et puis l'été d'après, quand les enfants repartaient de colo, je me refournissais. Il refaisait sa garde-robe en fait tous les étés. Ouais, en fait, t'avais rien à mettre en hiver, quoi. Bah, mes parents là m'achetaient des vêtements en hiver. C'est magnifique. Et après, il a commencé à travailler dans les centres de loisirs d'hiver et il trouvait des chandails qui étaient abandonnés. Enfin bon, non, la tristesse. Il y avait autre chose que je récupérais pour l'hiver. Pour s'habiller. Oh, putain. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours mon LC Waikiki. Je tiens à le dire, un maillot de bain et un t-shirt. On attend de voir toujours. Ah, non, moi, je le prendrai en photo, pas de souci. J'aimerais bien récupérer encore des trucs comme ça. Parce que en vide-grenier, voilà, pas. Il va nous... Mais j'en vois jamais en vide-grenier. Des t-shirts. Bon, en même temps, je regarde pas les fringues, mais... Et aujourd'hui, la marque existe toujours. Elle a été rachetée par des Turcs. Donc, si vous voulez, c'est Waikiki, partez en Turquie. Voilà. Par contre, oubliez le petit singe et... Ce sont des robes. Donc, pour les garçons, c'est pas gagné. On a regardé sur la page Facebook, voilà. Ils font des vêtements enfants, non? Enfants, femmes et enfants. Moi, j'ai vu beaucoup de vêtements pour femmes. Dans un style un peu oriental, c'est pas dégueu, hein. C'est pas des vêtements qui sont moches, mais ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait à la base, quoi. Donc, c'est un peu regrettable. Voilà. Paix à leur âme. Et c'était vraiment des très bons souvenirs vestimentaires. Parce que on va aborder d'autres choses. Là, on avait honte. Je confirme. Merci Imraj. On va basculer sur le premier choix de Charlotte, qui est en fait un peu un total look, voilà, qui est le bandana, le perfecto Et les Santiago, les badges, enfin bon, voilà. Là, on va laisser la parole à Charlotte. Voilà, bon, là déjà, comme ça, on pense à un personnage un petit peu particulier, parce que le bandana, le perfecto, les Santiago, tout ça. Chuck Norris. Je te remercie, chérie. Non, parle-nous du bandana. Alors le bandana, l'accessoire de mode idéal. Alors moi, j'ai souvenir d'en avoir eu des rouges et des bleus. Je sais pas s'il en existait d'autres couleurs à l'époque, en fait. Vert. Moi, je me souviens du vert. Et du noir. Moi, j'ai eu rouge et noir, et je sais que. En rouge et noir. Ça y est, les choses. Et donc le bandana, c'était cool parce que c'était l'accessoire magique qu'on pouvait mettre un petit peu partout, soit dans les cheveux, soit autour du cou. Moi, je le portais toujours au poignet en fait, parce que voilà, c'était le petit accessoire, le truc un petit peu rebelle quoi, quand on était au collège. Dans la poche arrière du pantalon aussi. Oui, non. Merci. Allez chercher sur Wikipédia, vous comprendrez. Non, je ne l'ai jamais porté dans la poche arrière de mon pantalon. Bref. Donc, mais non, à l'époque, on avait quoi? 12 ans, 10 ans, 8 ans. Donc, le bandana, c'était le petit accessoire de mode. Et aujourd'hui, ils les ressortent d'ailleurs. C'est à la grande mode cette année. Ils en ressortent de toutes les couleurs. Ils font des rideaux avec, enfin, des trucs. C'est cyclique, hein, de toute façon, ouais. Ça revient assez souvent. Voilà. Et c'est vrai. J'aime bien, moi, ce truc. C'est joli en plus, quoi. Ouais. Non, pour se donner un petit style Madonna années 80. Recherche Suzanne désespérément, bien sûr. Et oui. Voilà. Non, mais quand même, c'est vrai que ça a explosé en France dans les années 80 grâce au chanteur Renaud, bien sûr, qui avait aussi toute la panoplie qui allait avec. Le Perfecto, les Santiago et tout le tralala. Et oui, c'était ça, c'était le look un petit peu rocker. Voilà, le look un petit peu rebelle de l'ado moyen, en fait. Même si tout le monde en avait un, en fait, finalement. Donc. Bah, à la base, ça a commencé comme ça, c'était vraiment un signe de rébellion et tout ça, mais après, effectivement, c'est tellement répandu que. Et oui. Voilà. Non, parce que moi, j'ai aussi eu un perfecto. Alors, justement. Le blouson de cuir, le blouson de motard. Et j'ai revu des photos de moi portant cette. Comment dire. Cette merveille, pour ne pas. C'était sympa quand même. Oh non, attends, c'est bon. Enfin, quand t'as 15 ans, je veux bien, mais moi, j'avais genre quoi, peut-être 10 ans, tu vois, 8-10 ans, et je revois des photos. Et mon frère avait le même que moi. Il y avait un côté Jordi quand même. Non, on se balade. Dur ouais, d'être un bébé. C'est ça. Avec le badge, justement, le badge 13 années 80, hein, qui, voilà. Non, mais c'est, en fait, c'est. Non, c'était quand même le look. Moi, j'ai revu ouais, des photos de moi avec mon frère qui avait le même. En plus, on se baladait dans la rue, on avait le même perfecto, les mêmes Santiago, et le bandana. C'est le total look, tu vois, avec le chouchou dans les cheveux. Faut voir comment ils ont tourné après, quoi. Moi et mon frère. Ouais. Ah, t'es méchant. Surtout ton frère. Pas de règlement de compte. Non, on ne porte. Alors pour la petite histoire, le perfecto, c'est au départ un blouson de motard, un blouson en cuir qui est né dans les années 20. 29. 28. Très exactement. 28, c'est dans les années 20, donc voilà, de 1921 à 1929, et qui a un petit peu explosé, c'est vrai pour tout le monde dans les années 80, parce que jusque là c'était porté principalement par les motards, si je ne m'abuse. Et donc bah pareil quoi, par les rockers un petit peu de l'époque qui sont réappropriés le style, qui ont ajouté bah le total look, le petit badge. Moi j'avais plein de badges. Ouais, qui le customisaient avec des. Ouais, c'est ça, et des tout trucs ça, comme ça. Voilà. Et le badge, c'est quand même, c'est aussi le petit accessoire années 80. J'en ai encore aujourd'hui d'ailleurs. Mm. J'ai même la machine badgeite. Je me fais des badges pour mon total look années 80. Qui ont plus trop le côté rebelle, hein, malheureusement. Bah oui, avec une petite fraise dedans, tout ça. Voilà. C'est là où je voulais en venir. Alors que les badges Pac-Man. Et oui. Ou le badge Batman. Ou le badge Smiley, quoi. Mais il y en avait plein, il y avait toutes les bouches et tout ça. Les couleurs. Ouais. Aujourd'hui, on a fait tout un flanc sur Internet. Mais bon, moi c'était un peu comme toi, en fait. Mes parents, ils m'achetaient pas trop de trucs. J'étais un peu. Ouais. Et donc c'est mes copines. Hein. C'est ça. Bon, je suis entouré de Romain Michel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et non, mais j'ai eu des badges parce que j'ai des copines qui m'ont donné, tu vois. J'avais des gentilles copines. Ouais. Voilà, j'ai eu de la chance. Bon, ils m'ont acheté un perfecto quand même. N'empêche, c'est l'horreur parce que je revois des photos de classe de moi. Enfin, à l'époque, tu vois, je suis retrouvée dessus il y a peu de temps et en fait, il y en a. Enfin, même si tu me reconnais pas, il y en a une qui est habillée comme un ploucasse. C'est moi, quoi. Enfin, tu vois, le perfecto, c'est le truc quand t'es à l'école primaire, c'est plus tard que quoi. Ouais, mais regarde, comment Charlotte, on peut t'imposer ça? Sur les photos de classe, on dit, mais elle est où Charlotte? Et ben voilà. Si on te reconnaît pas au niveau de la tête, on te reconnaît au niveau des fringues. Mais non, et ça c'est bien. Non, parce que j'ai eu aussi le manteau de fourrure, en fake fourrure quand même, hein, mais ça aussi dans les années 80. C'était peut-être mieux le perfecto. Ouais, à choisir. Ouais, je pensais. Sur une moto, c'est mieux d'avoir un perfecto. Ouais, mais j'avais pas la moto. Non, ton père était motard, je crois. Oui, bah, c'est pour ça de toute façon. Mais en plus, on se baladait dans la rue parce que je dis, moi et mon frère, on avait le perfecto avec les Santiago, mais ma belle-mère aussi. Donc c'était en famille, s'il te plaît. C'est une histoire de famille. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Non, c'est horrible. Je suis sûre que si je retrouve les photos, franchement. Et vous terrorisiez toute la région d'Épinal. Exact. Les Hells Angels. C'est ça, exactement. Ah non, mais terrible. Bon, alors pour résumer, tu avais un perfecto, un bandana, des badges, des mais il te manquait quelque chose. La Santiago. Bah oui, mais je l'avais aussi. Et ben voilà. Donc tu vas nous parler de la Santiago. C'est alors ça pareil, mais en fait. Il y a eu une mode. Hein. Et c'est parti. Il y a eu une mode de cette espèce de chaussure avec le bout pointu là, qui a un petit talon, c'est pareil. Des gravures. Eh oui. Non, c'était c'est un peu brodé. Oui, c'est brodé. Ouais, c'est ça. Il y a du fil blanc tout autour. Avec des espèces de dessins. Ouais, mais je me demande s'il n'y avait pas des moulures, enfin des espèces de. C'est un peu en relief. Non, c'est en relief, mais justement, si tu tires du fil, ça fait du relief. Non, mais je crois que ça fait un peu quilté, tu vois. Ça fait du patchwork. Débat spécialiste. Là, il faut que. Non, mais au niveau, tu peux pas aller chercher sur la couture. Non, mais c'était brodé là. C'était brodé sur du cuir. Du coup, ça fait un effet de. Moi, j'ai souvenir de mon frangin et je crois bien qu'il y avait des. Ton frangin et des Santiago, ça ne m'étonne pas. Il a eu un perfecto aussi. Ah oui, non, mais ça. Avec sa guitare et tout. Non, mais t'imagines même pas le look de mon frère à l'époque. C'était. Enfin, il écoutait du hard rock et tout ça, donc il était. Il écoutait pas Renaud un peu, tout ça. Non, les cheveux longs, les piercings, les bandanas, les perfecto, les Santiago, il les avait. Les pantalons déchirés, tout ça. Ah, ça j'ai pas eu, j'avais pas le droit. J'étais jaloux de lui, enfin j'adorais les Santiago en fait, je trouvais ça tellement classe. Non, et Fonzi dans Happy Day, c'était un perfecto ou pas, je me souviens. Non, c'était un blouson de sport, un truc. C'était un blouson en cuir qu'il avait, Fonzi, ouais, mais... pas Richie, hein. Fonzi c'est justement le rocker, avec la banane, celui qui passait son temps à se recoiffer. Et il avait un blouson de cuir un peu usé là, tu vois. Et je crois pas que ce soit un perfecto. Non, c'était un truc un peu aviateur. Ouais, voilà, plutôt entre l'aviateur, là, voilà, je pense. Un bomber, en fait. Là, c'était, non, pas un bomber, c'était plus, c'était un truc plutôt aviateur, Travolta, non, un peu dans Grise aussi. Là. Il y a un truc. C'est un truc que je voudrais. Ah, mais lui, il porte tout bien, donc, de toute façon. Et donc, ouais. La Santiago, on peut danser la country avec tout ça aussi. C'est exactement, bien, quoi, voilà. C'est, je suis pas spécialiste de la country, je vous avoue, mais. C'est sûr que c'est plus pratique que les moon boots, quoi, pour danser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'écouter une petite chanson de Renaud pour finir ce total look. Rebelle. Voilà, un petit savoir, hommage à tout ça, à ce à look. À savoir, laisse béton. C'est parti. J'étais tranquille, j'étais peinard. Accoudé au flipper, le type est entré dans le bar. A commandé un jambon beurre, puis il s'est approché de moi. Puis il m'a regardé comme ça. T'as des bottes, mon pote, elles me bottent. Je parie que c'est les Santiago, viens faire un tour dans le terrain vague. Je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo. Je te fais tes bottes à la baston, moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une torgnole. M'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. J'étais tranquille, j'étais peinard. Accoudé au comptoir, le type est entré dans le bar. A commandé un café noir, puis il m'a tapé sur l'épaule et m'a regardé d'un air drôle. T'as un blouson, mec, ton, il est pas bidon. Moi je me les gèle sur mon scooter, avec ça je serai un vrai rocker. Viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel. Et je te chouraverai ton blouson, moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé un marron, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon blouson. Alors en effet, une très belle chanson de Renaud, à classer avec Mistral gagnant et Marche à l'ombre. Alors ben, mon premier choix, par contre, à moi, pour rester dans une mouvance rebelle, c'est le Bermuda en jean. Alors, et puis avec aussi le jean, parce que c'est vrai qu'après tout, on peut aussi parler de jean. Le mais jean, mais avec des trous. Il est vrai que... Ouais, mais pour le coup, quand un jean était vraiment abîmé, ma mère étant... Économe. Très, très vieille France et refusant catégoriquement que j'ai des trous à mes jeans. Je comprends, je la même. Voilà. Eh bien, elle l'avait concédé de me couper un jean pour en faire un Bermuda. Mais le Bermuda avec les franges. Avec les fils qui pendent. Avec les fils qui pendent. Voilà. Donc. C'est ce qu'il fallait faire pour que ton Bermuda, il ait vraiment les fils qui pendent classe. Tu crames. Il fallait les râper avec une râpe à fromage. Ah. Si, ah. Si. Parce que sinon, ça fait tout droit, c'est pas beau, les si fils. Si possible, on le fait. Alors attention, si vous le faites à la maison, vous enlevez le genou qu'il y a derrière. Ouais, c'est ça. Et si tu râpes ton jean ou ton trou de jean, ça fait le trou classe, tu vois. Ah. Ça fait le trou bien, bien beau, bien propre, avec des beaux fils bien tout doux. Ah, je crois que j'avais le truc tout droit. Hein. Ouais, c'est ça, c'est horrible. En fait, c'est mal coupé. C'est horrible, faut repasser dans le contexte. Quoi. C'est ça, c'est pas du tout comme le rocker, tu vois. Voilà. Il faudrait un petit jingle pour les recettes de mamie Charlotte, quoi. Non, mais ça va, je vous donne un truc. Moi, ça m'arrive encore quand je coupe mes pantalons, mais plus pour faire des bermudas, pour faire des shorts. Oui, alors par contre, voilà, moi ce dont je vous parlais, c'était le bermuda en jean. Oui, parce que le short en jean, ça, c'est, je pense non, que ma mère aurait refusé, elle aurait jeté le jean. Avec le petit bandana dans la poche, justement. Et le pantacourt, alors, est-ce que tu as eu des pantacourts en jean? Sache une chose, cher Imraj, c'est que le pantacourt dans les années 80 n'avait pas droit de cité. Et c'était pas plus mal. C'était pas plus mal, mais bref, je m'exprimerai pas sur ce dossier. Il tente de m'emmener sur un dossier épineux et je vais rester concentré sur mon bermuda en jean. Donc j'avais ce fabuleux bermuda en jean. Le problème, c'est qu'à un moment, votre jean, il finit par s'user entre les jambes. Et donc du coup, même si vous avez réussi en ayant des trous aux genoux, vous faites un bermuda, mais à un moment, l'entrejambe, eh ben, c'est mort. Qu'est-ce que vous voulez faire avec? Donc, ma mère, après, elle me mettait des espèces d'adhésifs couleur jean quand j'avais des trous dans mes jeans pour essayer de le sauver. Mais à un moment, ça n'était plus possible. Donc, voilà. Moi, je fabrique des sacs à main avec mes hauts de jean troués. Ben voilà. Tout le monde s'en fout. Mais c'est pas grave. Mais non, mais, Non, mais le jean, ça se recycle. Je suis tellement admiratif que je dis rien. Voilà. Enfin, tout ça pour dire que, dans les années 80, le bermuda en jean, c'était quand même assez à la mode. Et effectivement, en fin des années 80, il y a eu la mode des jeans troués, plutôt orientés grunge, Kurt Cobain, voilà, tout ça. Ouais. C'était plus le même. Ou alors aussi, pour les femmes, le jean, où on voyait le caleçon à travers, genre des fleurs, des cœurs, des trucs. Mm-hmm. Voilà, tu vois. La poche arrière trouée. Des trucs qui étaient imprimés. Et il y avait des trucs qui étaient imprimés carrément. Ouais, ouais. Pour faire croire qu'il y avait un truc dessous, mais en fait, tu pouvais te trimballer à poil avec un jean. Exactement. C'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Le monde croyait que t'avais un caleçon dessous. Voilà. Avec des fleurs. C'était beau. La mode. Dans les années 80. Bon. Bref. Et qu'est-ce qui va super bien avec votre jean troué ou alors votre bermuda en jean? C'est le t-shirt tie and dye dont Imraj va nous parler. Et très fan. Les recettes de papy. Après Mamie Charlotte. Alors, papy Clément. Que le t-shirt tie and dye? Alors, dans la continuité des affaires que je récupérais en colonie, des fois, j'avais forcément des coloris qui ne me plaisaient pas forcément. Hein? Et qu'est-ce que je faisais? Eh ben, je prenais un élastique, ou deux, ou trois. Je faisais des nœuds. Je mettais mon élastique et je trempais ça dans une bassine de Javel. Et quand on ressort le truc, ben en fait, là où ça a été noué, la Javel n'a pas atteint le tissu. Et forcément, ben quand on enlève tout, ben on a des espèces de motifs bizarres, psychédéliques, très... Ça fait hippie, quoi. Ouais, très hippie, ouais. Ouais, ouais. Et voilà, donc ça, c'était une vraie mode. Et j'ai même souvenir, alors c'est vraiment la belle époque de la non-réglementation dans les centres aérés, où effectivement, on faisait même ça avec en activité, quoi. Mmh. Donc on faisait nos t-shirts, on manipulait de la Javel, on devait avec avoir enfants, 12 ans avec des enfants. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Non, mais le doux temps de l'eau de Javel dans les centres aérés. Eh ben, rendez-nous cette liberté de l'eau de Javel dans les salles. On n'a jamais eu d'enfant qui est mort, on n'a jamais eu de d'intoxication avancée de Javel. Ou quoi. Mmh. Voilà, donc c'était nickel et c'était vraiment la belle époque. Mais ça aussi, ça craint un petit peu quand même le tie and dye. Tu veux nous parler un peu de cette technique de tie and dye? Qu'est-ce qu'on faisait? De quoi on partait? Alors... Voilà, des origines, tu veux dire? Non, mais même, il y a plusieurs approches, c'est ça? Oui, alors, en fait, à l'origine, ça a été développé dans le milieu des années 60, où, la technique de base du tie and dye, donc, pour info, il y a un jeu de mots sur le dye, mais c'est dye, D-Y-E, qui veut dire teindre, en anglais. Dye, c'est noué, non? Attaché. Ouais. Donc, à la base, on prenait, une base blanche ou fort peu colorée, on va dire, clair. Et on rajoutait justement des teintures, etc. Et selon la position des nœuds qu'on faisait, on pouvait faire des spirales, etc. Donc ça faisait vraiment des trucs un peu psychédéliques. Et forcément, bon, les produits, les teintures et tout ça, c'est un petit peu cher. Donc les gens ont trouvé. Bah surtout, il y a eu de plus en plus de vêtements colorés, en fait. Tu vois, parce que dans les années 50-60, t'avais des t-shirts blancs, des chemises blanches, et il y avait peu de trucs. Et donc Mais avec du recul, c'est quand même sympa parce que c'est vrai que c'était quand même une période où on avait tendance un petit peu à customiser les fringues, etc. Enfin voilà, on faisait un peu n'importe quoi. Bah ça revient en force aussi, ça. Ça revient en force, et tout le côté custom de fringues, les clous sur les blousons et tout le. Et alors, c'est assez marrant parce qu'aujourd'hui, si on regarde le tie and dye, c'est les gens font ça dans les cheveux. Ouais. Et il y a des stars qui font du tie and dye et alors apparemment. Elles se nouent les cheveux, elles se mettent la tête dans la Javel. Je pense que c'est à mon avis. Ouais. Et elles abandonnent leurs cheveux dans le centre de vacances. Et en vrai, j'ai récupéré les cheveux des vedettes dans le centre de vacances, les scalps des enfants. C'est pour ça qu'il a des cheveux d'ailleurs. Voilà, attends, mais dans mon centre, on a eu Marc Lavoine, Yves Régnier, etc. Ouais, ils sont venus au Real. Auriel dans la Vérité. Il a plus de cheveux maintenant. Bah voilà. J'avais piqué ses cheveux. Tout s'explique. Voilà, non, mais bon, non, c'était sympa, j'aimais bien parce que. C'est une activité sympa, mais après, c'est rigolo. Hein, j'en ai fait des dizaines et des dizaines parce que, enfin, je vous jure, par été, je récupérais l'équivalent d'une valise de vêtements. Et le nombre de t-shirts que je passais si dans j'avais été ta mère, je t'aurais pas acheté de vêtements non plus. Il y avait aucune raison. Alors, c'était ingrat parce que j'avais pas mes porte-clés Waikiki, mais. Un traumatisme, on sent le traumatisme. Un vrai traumatisme. Bon, j'ai mais pas... je récupérais des pins, je récupérais des badges, je récupérais plein de trucs. Même des jeux vidéo, même des fois des jeux. Non, va que des jeux. Il lui achetait pas de jouets non plus, tu vois. Il récupérait les jeux. J'ai récupéré des jeux Game Boy à l'époque. Il était logé gratuit, il récupérait des fringues, des jeux. Franchement, c'est magnifique. T'as eu la vie facile en fait. C'est vrai. Il se plaint. Oui, c'est sûr. Donc. Non, mais j'avoue, j'ai eu aussi ma période tie and dye quand j'étais ado, dans ma phase hippie où je mettais des grandes jupes et des t-shirts comme ça justement. Mais moi, j'en ai jamais fabriqué. Voilà. Mm. Je les ai toujours achetés tout faits. Et ben moi, je n'ai jamais eu ma période voilà, tie and dye. Voilà. La grande tenture sur le mur, ah. Tu vois. Ça, oh là, oui, ça je. Je fumais des bindis à l'époque et tout. C'est voilà, c'était voilà. Bah, c'est, ben, c'est ça. J'ai eu le perfecto, tu vois. Puis après, je. Et le bandana, parce que ça, ça vient, oh, toi, tu faisais brûler de l'encens. Ouais, dans ma chambre, ma mère, elle pétait des plombs, c'était horrible. C'est horrible. Exactement. D'accord. Voilà, moi, j'étais comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait bien enchaîner après ce tie and dye? Je pense que... Qu'est-ce qui va bien avec un t-shirt tie and dye? Je pense qu'en en choix, là j'ai un choix qui est magnifique de Charlotte, la cagoule. Avec le t-shirt tie and dye. C'est parfait, bah, une bonne grosse cagoule en laine. Alors, la cagoule, Charlotte. C'est marrant, la cagoule, quand j'en reparle avec des amis... qui l'ont eu aussi comme moi, petit, dans les années 80. Tout le monde a des mauvais souvenirs de ce truc-là, mais moi, je trouvais ça génial. Mais ça grattait, bah... transpirait à l'intérieur, c'était... Oui, mais c'était top, c'était, t'as le bonnet et l'écharpe. Bon, comment ça se passe? Comment ça se présente, la cagoule? C'est un truc tricoté, c'est un bonnet et une écharpe... Je pense que, alors, de mon côté, il y a plusieurs types de cagoules. Il y a la cagoule, cambriolage. Oui. Où t'as juste les yeux. Et t'as la cagoule ridicule pour les enfants. Ou t'as carrément le visage. Tout le visage. Genre Émilie, tu vois, dans la BD. Oui, Émilie, le dessin Émilie, le demi-type de Présensé. Voilà, ça marche. Révélation, je savais. Enfin. Ouais, pour moi, c'est une capuche, c'est pas une cagoule, mais en fait, c'est une cagoule. Bah, c'est une sorte de cagoule. Ouais, mais enfin, en été, elle a sa cagoule, voilà. Emily, tu vois. C'est juste pour avoir, c'est un foulard en été, une cagoule en hiver, tu vois. Cette fabuleuse cagoule. Non, mais ça, c'était génial. Et moi, la mienne était jaune moutarde, en plus, tu vois. Oh donc, je n'ai jamais vu de cagoule jaune. Moi, j'ai toujours vu les cagoules rouges. Rouge violet avec des fois quelques petits motifs un peu flocons de neige sur les côtés ou la cagoule verte. Ah non, moi je pense que c'est ma grand-mère qui avait dû me la tricoter. Ouais, je pense que c'est du homemade. Et voilà, mon frère avait le truc bleu marine, mais c'était quand même bien parce qu'avec ça on n'avait jamais froid, franchement. Mais ouais, mais ça. Je sais pas, ça m'a jamais dérangé. Mon frère il supportait pas ça, il pétait des câbles, il faisait des colères. Oh, quand ma mère essayait de lui foutre ça, c'était l'enfer. Moi je supportais pas la laine en fait. Mais c'est mignon en plus, enfin c'est pas les. C'est mignon quand t'as le gamin qui a la peau toute rouge parce qu'il fait une réaction allergique, c'est mignon. Mais non, mais si tu te dis... C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de laine, peut-être qu'aujourd'hui... J'en veux pour preuve, c'est plus du tout à la mode. Donc si c'était chouette, ce serait revenu à la mode. Et c'est simple, les trentenaires qui ont porté ça aujourd'hui... refuseraient catégoriquement de remettre. Alors enfants. Alors enfants. Mais oui, donc c'est pour ça que c'est mort. C'est fini, c'est tombé en inutile. J'ai quand même trouvé à Rose, bon c'était pas vraiment une cagoule, mais c'est le bonnet avec l'écharpe, tu sais, attachée où tu... Ouais, mais c'est pas pareil. Ça gratte pas. Bah, c'est parce que c'était du coton. Mais à l'époque, on faisait tout en laine qui gratte. C'était dur. J'avais des pulls comme ça tricotés par. Et voilà. Et si tu voulais, j'allais te dire, si tu voulais enchaîner cagoule plus soupule. Eh ben voilà, moi j'ai eu le. Mais là, c'était bien. Le soupule bien près du corps. Avec le col roulé. Avec le col roulé. Et le truc, pareil, t'avais chaud rien qu'à mettre. Et quand tu cours dehors et que tu reviens de la récréation, là, c'était l'horreur. C'était horrible. Tu lèves les bras parce que ça colle. Il y avait autre chose de terrible avec les cagoules, on l'a pas dit. C'était l'électricité statique. Ah oui. Parce que chaque fois que tu l'enfilais, tu prenais un coup de jus. Ah oui, déjà. Et quand tu l'as retiré, t'avais quoi? Tu prenais deux autres coups de jus déjà. Tu prenais des coups de jus, mais en plus t'avais les cheveux 2 mètres au-dessus de la tête, quoi. Ouais. C'était horrible. C'était vraiment une mauvaise idée, quoi. Non, je sais pas, moi la cagoule, je trouve ça mignon. Oh là là là là. C'était plus un truc de fille quand même à la base. En plus, moi c'était des garçons qui avaient des cagoules, il y en avait peu. Mais. Moi j'en ai dans mon souvenir, moi j'en ai jamais eu, mais c'était souvent les filles quand même, les cagoules. J'ai mon frère pour référence en fait, tu vois, donc on jouait les cagoules, on les retournait. Ah, on les retournait. On voyait rien du tout. Ouais. Bah, grande idée ça, bravo. Quelques poteaux, ça fallait bien faire quelque chose de ça, ouais. De cette cagoule. Mais non, mais moi. Tu sais, quand t'as une cagoule, tu ressembles au train là, tu sais, le train avec le visage tout rond là, devant. Ah, Thomas, le petit train. Ah, c'était nul ça. Arrête, ça fait penser à Téléchat ça. Ouais, un petit peu. C'est ça. Et tout en il a la même tête. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Le faire repasser. Arrêtez, après la cagoule, ça va devenir un mauvais souvenir et tout. J'ai pas beaucoup de bons souvenirs vestimentaires des années 80. D'ailleurs, la cagoule en fait partie, je suis désolée. Ce qu'on pourrait faire, c'est demander à nos auditeurs s'ils ont eu une cagoule et si pour eux c'est un bon souvenir. Pour ou contre la cagoule? Ouais, un vote. Pour ou contre la cagoule? Au pire, j'essaye de voir si je peux mettre en place un sondage. Un sondage pour ou contre la cagoule. Je vais essayer. Je vais essayer. Et je suis prête à faire une photo de moi avec une cagoule. Aujourd'hui. Ah, elle a posté sur le forum. Oh, je vais bien m'en tricoter une. Alors, je sais que t'as grossi de la tête depuis le temps quand même. Ouais. Mais faut que j'en tricote une, c'est tout. Ah, d'accord, ok. Eh ben, magnifique. La cagoule. Quelle horreur. La cagoule. Bon. Alors, on va changer un peu de sujet. On va parler d'un objet élégant également, le sweatshirt. Alors, le sweatshirt, c'est pareil, c'est en coton, principalement. Ouais, porté trop grand, coton bien sûr. Coton polyester. Ouais. Voilà, porté trop grand, avec des marques... Champion USA. Voilà, les marques principales étaient Fila, Champion USA. Moi, j'ai bien Lewis, quand même. Blanc-bleu, poivre blanc. Lévis faisait, ouais, faisait Lévis, ça. Ouais, Lévis, j'en ai eu un super avec. Et le fameux poivre blanc. Blanc, voilà. Ouais. Alors la fameuse marque poivre blanc créée dans les années 80, avec comme emblème, on va dire, des espèces de petits personnages type Des petits africains, voilà. Ouais, mais très stylisé. Voilà. Un côté Tintin au Congo qui était assez bizarre. En fait, tu vois, en fait, c'est vraiment la période Zubida, ces choses-là, Uncle Ben's. La mouvance, voilà. Ouais. Et la marque existe toujours, a priori, poivre blanc. Donc, ouais, mais qui fait plus de... Voilà. Il faut encore des sweats comme poivre ça. C'est pour, les... c'est pour les enfants, pareil, je crois. Enfin, le gros avantage du sweatshirt, c'est quand même que c'était un truc... va dehors, mets ton sweat. Et ça permettait, entre deux saisons, tu mettais pas le pull, tu mettais pas que le t-shirt, tu mettais ton sweat. Comme ça, si t'avais chaud, tu posais le sweat, t'avais ton t-shirt en dessous. Parce que tu mettais pas un sweat à même le corps. Non, bien, c'est mignon. Mais c'est vrai que le sweatshirt, quand t'en avais un avec une belle marque, genre, Champion USA et tout, t'allais au collège ou en primaire avec ça. Et puis t'avais la version sweat avec capuche, sans capuche. Ah non, la capuche, c'est venu. Avec la poche devant. Moi, j'aimais la capuche de mémoire dans les années 80. Moi, j'ai pas connu la capuche. Et la poche, la grosse. La double poche. Oui, la poche ou façon moine, tu vois. C'est ça. Voilà. L'aube. Voilà. Quand tu mettais trop de trucs dedans, elle tombait très bas. Ouais, tu mettais ton Walkman dedans. Walkman. Et ton sac banane. Avec ta mousse orange sur les oreilles. Ça rentre avec la Game Boy. Et ton casque Game Boy rentrait dedans. Ouais, je pense. Ouais, si. Je me souviens de cette pub, où jouez-vous avec le vôtre, avec Clément dans les électro. Pardon, avec Imrage. Bref, non, mais c'est vrai que le sweatshirt, ça se fait encore, mais je vous avouerai que j'en ai pas mis depuis des années, quand même. Moi, j'adore les sweats. J'en ai avec des poches, avec des capuches. On en trouve dans les, tu sais, les Lego Sports, ce genre de trucs, en fait. Oui, c'est un truc de sport. Ouais, ça se porte pour faire du sport, c'est pas vraiment pour le style. Tu fais ton footing, il fait un peu froid après le footing. Oui, mais alors après, c'est les vestes de survêt, plutôt. Ah, la capuche. Le sweat aussi. Il y en a encore. Ici, ça a été repris de façon gris avec des petits, genre Wilson qui fait ça, des trucs, tu rentres chez toi, tu te mets détendu. C'est ça, avec ton jogging. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Avec ton legging. Voilà. Et ton sweat. Voilà. Et là t'es bien pour enregistrer ton podcast. Et là t'es bien. Posé sur ton canapé. Voilà. Moi j'adore, mais j'aime bien. J'en mets même. Tu vois, ça se customise aussi à fond. Ouais, t'achètes un sweat, tu mets des trucs, des badges, des. Tu sais, tu couds un peu dessus, tu fais du tissage et tout. Ouais. C'est. Les écussons. C'est mode. Tu découpes le col, tu laisses dépasser l'épaule, tu vois. Vous souvenez pas Isabelle Adjani. Ça y est. Voilà. L'épaule qui sort. C'est ça. Je suis petit bleu marine, un peu people marine. Faut de la piscine. Il est parti. Ça y est, on le tape. Là c'est bon. Faut la sommer. Ok, bon le sweatshirt, apparemment un bon souvenir et quelque chose. Et je sais que je crois que je l'ai encore mon sweat Lewis d'ailleurs. Moi, trop grand que je porte au genou. Moi j'en avais un Benetton maintenant que j'y pense, tiens. Ah, Benetton, j'ai eu un peu Benetton aussi. C'était sympa ça comme marque. Moi j'ai eu toutes les marques. Ouais, oui. Normal, au centre de loisirs. Mais pourtant, c'était plutôt l'été ton centre de loisirs, donc c'est vrai que le sweatshirt. Ouais, mais le soir c'est à la pour les veillées de nuit. Les veillées. Oui, c'est vrai. Et puis c'était loin, dans la montagne, hein. Tu sais, il faisait froid. Non, mais c'est vrai. La montagne, c'est vrai, l'Aveyron. Oui, c'est loin dans les collines, il fait froid en Aveyron. Il y a des gorges, des collines. Il y a des gorges. On se moque des Vosges, mais franchement, l'Aveyron, ça pèle dans l'Aveyron. Tu vas nous parler du coup, Imrage, du Kawaii. Ben en colo, ça, justement. Ça, attention. Je vous jure que j'ai dû en avoir, mais au moins 30. J'ai vécu c'est le genre de truc que pendant 7 ans, mais à gogo, quoi. J'en ai eu plein. T'as fait une tente avec, non? Un tipi, quelque chose. Un parachute. Mais c'est ça, le mec s'est fait sa montgolfière. Et oui. Le Kawaii, non, le Kawaii, en fait... comment ça marche, déjà? Comment ça marche? Alors, en fait, déjà, c'est un truc qui protège de la pluie. Donc, il y a une capuche, il y a un truc assez large. On dit imperméable. Imperméable. On protège plus. Imperméable. Mais il avait une particularité, c'était qu'il était transportable. Et pour le transporter, on ne le mettait pas autour de la taille avec les manches et tout ça. Non. On le roulait dans une petite poche. En fait, c'est le poche kangourou. C'est le popol du manteau. Mais exactement, le concept des popols. Et il y avait une attache caractéristique. Vous savez, le truc qu'on met dans un sens. Ouais. J'arrivais pas à le fermer. Ça marche pas. Oui, mais il y a pas longtemps tu m'as pris. Oui, parce que j'en ai acheté un à ma fille, justement, qui partait en centre, une journée avec l'école. Et impossible, j'arrivais pas à fermer le truc, quoi. Et mettre autour de la taille. Elle me l'a donné, elle était énervée. Je l'ai fermé du premier coup. Ouais. Parce que j'en ai eu 30. Facile. Et bref, en fait, il y avait des petites attaches un peu spécifiques. C'était rigolo. Et la taille, c'était la classe. Il y avait différents coloris. Il y avait le sac banane devant et le kawaii derrière. C'était généralement fluo. Toujours fluo. Non. Ah, si. Il y avait du jaune fluo. Je me souviens des violets, mais pas fluo du tout. Ah, moi, j'en ai plein. Bleu marine, très courant. Kaki aussi, un peu. Ouais. Puis ce qui était bien avec le kawaii, c'est qu'on n'avait pas du tout chaud dessous. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça collait pas, à la peau. C'était pas lourd. C'était horrible, ça collait à la peau. Ouais, et alors, il y avait. Je me rappelle, t'avais juste un pauvre t-shirt en dessous. Il y avait une technique pour le rentrer, pour que ce soit fait proprement, quoi. Voilà. Et en fait, quand on est gamin, on fait jamais proprement. Donc, on roule ça en boule et tout. Et quand c'est encore mouillé, ça a moisi dedans. C'est ça. C'est complètement froissé dans tous les sens et tout. Mais c'est, dans l'absolu, c'est une idée géniale. Belle idée, C'est hyper kitsch. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tu vois un mec se balader avec mais ce kawaii. Mais ça revient aussi, les kawaii, il y en a oui, encore. Oui. Hein, c'est mais voilà. Depuis quelques années, là, ça fait pas très très longtemps, 2010, un truc comme ça. Il y a une kawaii, donc, qui ont commercialisé, qui ont fait une boutique à Paris spécialisée dans ces kawaii-là. Oui, ça revient. 2013. Sachant qu'en préparant l'émission, on en discutait avec Charlotte, et elle a même connu le pantalon kawaii. Le kawaii, le pantalon, pareil, qui était serré aux chevilles. Ouais. Et ça, c'était pas mal. Mais alors, la question que je me pose, c'est que t'avais deux poches, comment tu faisais? Oh, je sais plus, je crois que tout se mettait dans la même meuf, c'était un ensemble. Donc, tu retournais la poche du truc, et tu roulais en boule ton pantalon que tu fourrais avec le manteau, quoi. Et ça, c'est pareil, c'est une fois roulé, c'était tout petit, quoi. Et les batailles de kawaii, vous avez jamais fait ça? En ça colo. Fait mal. Mais ouais, mais on se kitchait. Ah, c'était horrible ça. Bah, si tu prends le truc à attacher, justement. Moi, j'étais une planquée pas dans la tête, mais j'étais planquée. Tu donnais un coup dans les fesses ou dans les jambes. Moi, je m'en suis pris dans la tronche. Ouais, non, mais ça c'est les petits cons. Désolé du langage, mais voilà, c'était pas les. Mais on pouvait se quicher quand même avec ça, c'était rigolo quand on se faisait des petites bastons de kawaii. Parce qu'en plus, la tâche. Oui, quand tu te prenais la tâche dans la tronche, ben. Non, mais c'était élastique. C'était élastique, donc c'est vrai que la force était un petit peu décuplée, quoi. Les trucs. C'était marrant. Bon, Charlotte, arrête de faire la maligne, tu vas nous parler du body. Oh, le body, un traumatisme encore une fois, body. Oui. Alors une belle invention, le body. T-shirt attaché pour les enfants. Un t-shirt attaché à une culotte. Hein? Voilà, quand t'as 3 mois et que t'as besoin de faire tenir ta couche, je le conçois. Mais quand t'as 90 ans aussi. Mais non, mais c'est horrible. C'est le truc. Bon, déjà c'est esthétiquement, voilà, c'est juste un t-shirt parce que quand t'as ta jupe ou ton pantalon en dessous, de toute façon, on voit pas la culotte. Mais le truc, c'est que quand t'as un body et que tu dois aller aux toilettes, tu vois, que t'as des collants par-dessus ton body, donc que pour enlever le body, il faut que t'enlèves tes chaussures. Il faut d'abord que t'enlèves le collant, mais que pour enlever les collants, il faut que t'enlèves tes chaussures. Oh, et donc en fait, on va loin. Voilà, c'est fini. Voilà, et ça, c'était l'enfer. Le body, c'était le truc pas pratique. À l'école, c'était l'horreur. Je pouvais pas aller faire pipi. Je mettais mon body le matin et je pouvais pas aller faire pipi. Un traumatisme, je vous dis. Elle a porté des couches jusqu'à récemment encore. Mais quand j'ai rencontré, elle portait encore des couches. J'ai dû la sevrer. Non, mais j'ai jamais bien compris l'intérêt du body, en fait. En plus, c'était même pas très esthétique. Hein. J'avais des trucs fleuris. T'aurais adoré. C'était tout à fait ton style. Avec une petite jupe noire plissée, magnifique. Voilà. Vous n'avez jamais eu de body, les garçons? Non. Non, j'ai jamais pratiqué le body. J'en ai pas récupéré. D'ailleurs, c'est très vite tombé en désuétude, hein. Je pense que pas pratique de la body. Maintenant. Et c'est revenu. Il y a quelques années. Je ne sais plus quelle star a relancé le truc. Lady Gaga. C'est ça. Voilà. Je te remercie. Ouais. Alors, sur scène, tout ça, pratique, mais après. Madonna a dû emporter. Forcément, elle avait un body. À l'époque. Quand elle faisait son comeback, c'était quel album, là, où elle faisait un clip, justement, Like a Virgin. Non, orienté années 80, là, où elle avait un legging qui s'arrêtait là. Elle avait les cheveux roux, là, à moitié. C'était dans les années 2000 et quelques, là. Ah bon? Comment c'était, cet album? Ah, le 2000, c'était pas sa période hindoue, là? Non. C'était après. 2010, même, tu vois. Ça me dit rien. J'ai arrêté de suivre Madonna, voilà. Vraiment, bref. L'avant-dernier album de Madonna, je crois. C'était vraiment années 80, elle avait du body dedans. Quelle tristesse. Mais voilà, c'est ça. Voilà. Tu fais un clip années 80, t'as un body avec un fuseau en dessous. Cela dit, Cela dit, faut reconnaître un truc. Pareil, les trucs de lingerie un peu coquines, souvent il y a des body. Bah ouais, ouais. Mais c'est pas très bon. A priori, c'est vendu comme article de séduction. C'est Imrage, ça. Qu'est-ce qu'on en pense? Non, c'est important qu'on sache quand même. Parce que non, non, non. Parce qu'on se force pas. Non, apparemment, c'est non validé par Image. C'est non validé. C'est mort. Le body, on jette. Bon, très bien. Alors, bah, je vais quand même me permettre de citer un film que j'adore, Body Double de Brian De Palma dans les années 80. Est-ce qu'il y a des bodies dedans? Non, parce que de Body Double, donc ça veut dire oui, bah, oui, double record, tout ça. Mais est-ce qu'il y a des bodies dedans? Et il y a des bodies dedans, puisque c'était années 80, avec des coiffures à la Brigitte Nielsen, tout ça. Ah, oui. Et dans ce film, on voit beaucoup de passages, effectivement, en body et autres. Et du coup, remis dans le contexte années 80, ça passait bien. Sur les femmes un peu élancées, tu vois. Ouais, c'est ça, déjà grande et mince, déjà. Voilà. Il fallait pas qu'elle soit bouboule. Voilà, déjà, c'était moi. Ouais. Une femme un peu forte, avec un body. Je pense que c'est pas possible. Bah, il y a des choses comme ça, c'est fait pour les mannequins. Les bodies, c'est bien pour les bébés. Conclusion. Pratique pour tenir une couche. Bah, voilà. Bah, c'est ça. C'est le côté pratique. Et encore, les leurs, au moins, s'ouvrent par en dessous. Oui, ils s'ouvrent par en dessous, ouais. Pourquoi? Parce que celui Au moins, c'est, bah non, les autres s'ouvrent pas. Moi, j'en ai eu qui s'ouvraient pas. C'est pour ça que pour faire pipi, tiens. Ah, moi, je pensais que ça s'ouvrait. Bah non! Ah, pardon. Voilà. Parce que je me disais, alors, il y en a, je pense, qui s'ouvrent. J'imagine. Bah, en tout cas, pas les tiens. En tout cas, moi, j'ai souvenir du mien fleuri moche, là. Mmh. Et ben non. Alors, je te dis, avec donc, le fallait que tu, voilà, mais bon. Les épaules et tout. Mais tout, fallait tout enlever. Ah, donc, t'enlèves le truc que t'as par au-dessus, t'enlèves, voilà. Okay. Donc, tu fais pas donc, quand, comme t'as les toilettes de l'école qui sont dehors en hiver, bah, c'est tu... c'est mort. Un traumatisme encore. Voilà. Ok, bon bah c'était pour le body. Ça apparemment, on peut le ranger au côté. Alors pour ou contre le body? On peut le ranger au côté des cagoules. On fera un sondage. Voilà. Mais non, moi j'aime bien les cagoules. Cagoule body. Ouais, la classe. Magnifique. Cagoule body. Bon. On t'amène au poste, je pense. On va enchaîner avec un autre choix qui est le jogging Adidas. Enfin le jogging en général. Ouais, alors le jogging. Pour aller avec le sweat. Voilà. Souvent ça allait de pair avec le sweat. Ou alors t'avais une option qui était le t-shirt. La veste de jogging et le pantalon de jogging ça, avec les baskets. La classe ultime. Ou en tant que fille d'ailleurs, le pantalon de jogging avec un petit débardeur moulant au-dessus. Pas fou. C'est vrai. Le fait est que le jogging, donc jogging, comme son nom l'indique, était quand même orienté avant tout sportswear. Sport. Voilà. Et qu'effectivement, à l'époque, moi je me souviens en avoir eu au début des années 80, assez... bleu, jaune fluo, Adidas en avait fait pas mal de modèles, voilà. Et en matière très polyester, oui, qui colle là. Dès que le truc, le truc, tu l'oublies sur un des radiateurs, il prend feu. C'est arrivé une fois en station de ski. Ça fond, et, voilà, ça fond, ça durcit et tout. Alors, c'est trop bizarre. Ouais. J'en avais fait fondre un effectivement. Et j'avais fini les pistes en slip. C'était magnifique. En body. Anecdote. Non, j'avais pas de body. Et tu sais quand, genre moi quand j'étais gamin, je sais que quand tu te casses la figure dans une pente ou un truc comme ça. Genre que tu glisses sur quelques mètres, ton truc il est fondu dessous. Ah ouais? Ouais, mais le frottement sur les cailloux, sur l'herbe. Moi je sais que j'avais des délires quand je transpirais dedans. Après j'avais les jambes rouges, mais tu sais ça te colle, ça te fait des irritations affreuses. C'est horrible. Moi j'achetais ça pour faire comme tout le monde, tu vois. J'en avais un noir avec les bandes blanches. Mais bon, le gros avantage du jogging, c'est quand même que surtout pour les, enfin, c'était un truc de garçon quand même dans les années 80, parce que maintenant c'est quand même pas mal les filles qui mettent ça. Ouais, avec le débardeur justement. Voilà. Mais dans les années 80, c'était très garçon et ça permettait d'éviter d'avoir à mettre des pantalons entre guillemets un peu habillés. Oui, et avant voilà. Moule. Avant l'âge de 14, 15 ans, tu vois, tu mettais du jogging quoi. Ouais. On mettait un jogging, ça cachait les grosses fesses. Voilà. C'était la technique. Ah non, c'était pas copines. Pour orienter les grosses fesses, mais c'est simplement que on n'avait pas envie de se fringuer. Oui, c'est bien ça. Habillé quoi, tu vois. Donc ouais. Du ouais, mais c'était classe, tu vois. C'était il est comment ton jogging toi? Mais le jogging a été récupéré comme je disais tout à l'heure depuis peu où tu arrives en mode décontracté chez toi pépère, ouais, tu mets ça. Des pantoufles et le jogging. Moi je préfère le legging quand même. Et le jogging Et le jogging un peu épais, tu vois. Oui. Gris un peu épais, ouais. Mais il y a eu des changements de matière hein, parce qu'il y avait effectivement cette espèce de truc un peu plastique là, enfin bizarre. Mais il y a la matière sweat aussi, comme les sweats voilà. Du pilou dedans là, c'est tout. Moi j'aimais bien ça. Ça fait pyjama en fait un peu. Ça fait pyjama. C'est le jogging pyjama. Voilà. Mais du coup ouais moi je faisais pas mal de pour le foot et tout ça, les entraînements l'hiver, c'était pas mal. Et donc c'est vrai qu'à l'époque aussi oui, c'était le jogging Adidas avec les trois bandes sur le côté. C'est avec ça, le logo okay. Triple fleur et ainsi de suite. Et ça a même donné naissance, bon c'est plus 90, mais au pantalon à pression quoi. Voilà, avec les boutons pression, ouais. Ça c'est plus années 90. Ça c'est chouette. J'étais pas ça, fan. Moi je me souviens de la fermeture éclair qui allait jusqu'à mi-cheville, tu vois. Ah, tu remontais. C'était de pression. Ouais, bouton pression. Il y avait déjà les pressions, parce que ouais, moi, à l'époque, c'était une fermeture éclair. Oui, mais et après, la pression, ça allait jusqu'au bout. Il y avait des pressions, moi, j'ai eu la pression. Si tu tirais dessus un bon coup, hop, la bonne blague. Le truc qui a pas proposé. Ça, c'était le, jeu, tu sais, dans les cours de récré. T'as un mec qui arrivait, qui faisait... Ouais, la mise à l'air. Enfin bref, est-ce qu'on s'écouterait pas une pub Adidas, par exemple, allez. Avec plaisir. Hein. Demain, ce sera la fête dans Paris où plus de 5000 marathoniens prendront le départ d'une grande première sportive pour la capitale, le Marathon de Paris, dont le départ sera donné à 17h par Monsieur Jacques Chirac. Cette mode du jogging, en tout cas, fait des heureux les fabricants de vêtements de sport. Alors, le jogging, c'est-à-dire la marche ou la course à pied dans les villes, est-il un sport ou plutôt une mode? Un reportage de Jean-Claude Narcy. Les stylistes de mode se sont emparés du phénomène jogging, comme d'ailleurs de l'engouement actuel pour le sport en général. Et ils ont réalisé des vêtements qui ne sont plus réservés aux seules activités sportives, mais que certains portent même à la ville. Enfin, on peut constater une fois de plus que mode et snobisme sont souvent synonymes, et certains stylistes les plus malins ont créé des tenues de jogging sophistiquées pour soirées très disco. Après cette magnifique page Adidas, nous allons enchaîner avec le prochain choix d'Imrage, à savoir le, les portefeuilles Velcro, entre autres. Enfin, les portefeuilles. En fait, il y a deux types de portefeuilles. Enfin, voilà. En fait, il y avait deux publics quand on cherchait à ranger de l'argent. Il y avait le portefeuille Velcro, donc on va en parler, et le portefeuille en cuir avec la chaîne qu'on attachait à la ceinture. Pour ne pas se le faire dérober pour ne pas se par un individu malveillant. Et ça allait assez bien avec le... Ça allait... Ouais, mais c'est ça. Non, mais c'était les punks qui mettaient ça, ou les rockers. Donc voilà. C'était Renaud, je suis sûr que si tu regardes bien les photos, il a sa petite chaîne et tout. C'est possible. Donc c'est voilà, donc c'était assez à la mode. Et moi, je trouvais ça assez classe. Évidemment, mon frère, il avait ça. Pour aller avec les Saint-Tiag et tout. Et d'ailleurs, c'est une mode qui a perduré assez longtemps, parce que ça a traversé les années 80. J'ai un ami allemand qui l'a encore. Ouais. Ça continue. Bah, je trouve ça assez cool, quoi. Je trouve ça beau. Enfin, si la chaîne, elle est de bonne facture et tout, c'est une belle chaîne et pas un truc tout brillant, tout dégueu. Mais non, c'est cool. Je trouve ça très joli. Et bon, ce qui quand même nous intéresse le plus, c'est le portefeuille Velcro. Donc c'est celui que tu ne peux ouvrir discrètement. Exactement. Le soir dans ta chambre. Exactement. C'est ça. non, mais voilà. Donc c'était souvent très très fluo. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai souvenir de mes trucs roses et verts fluo. Rose et vert, avec le contour. Typé Benetton et autres. Il y a eu des trucs avec des marques qui sont emparées du truc, dans des boissons, des sprites, Orangina, Fido Dido, je pense qu'il y en a eu aussi. D'ailleurs, Waikiki, à mon avis, si on fouille un peu, il y en a eu aussi. Donc, c'est vrai que ça a été un phénomène de mode, phénomène publicitaire. Exactement, parce que moi, ma banque m'en avait offert un. On a récupéré plein partout, quoi. On les utilisait pas tous. Ouais, moi, je gardais les fake cartes, parce que t'avais la place pour mettre les cartes bleues. J'allais vous demander qu'est-ce qu'on pouvait mettre dans un portefeuille Velcro. Et donc, moi, je gardais les fausses cartes. Différents compartiments. Ouais. Il me rajoute. Il y en avait des très fins. C'était ceux qu'on nous donnait généralement à la banque, ou voilà. Ou en cadeau avec un Mickey Parade ou une Ou dans les boîtes de céréales. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Alors dedans, il y avait un compartiment pour ranger les pièces de monnaie. Ouais, pour les billets derrière. Mais alors, c'était pas sur toute la longueur du truc. Ouais. C'était juste derrière le compartiment de pièces. Et généralement, il y avait le petit compartiment qui était cousu carrément à l'intérieur, où on pouvait mettre les cartes de crédit. Et de fidélité. Donc, on va dire une carte de crédit, deux cartes de fidélité. Ouais. Et il était plein. Sauf qu'à notre âge, on n'avait ni carte de crédit, ni carte de fidélité. Et après, il y avait les modèles avancés, où là, c'était carrément plus élaboré. Il y avait le truc, vous savez, avec la petite vitre en plastique pour mettre les photos. Il y avait différents modèles, et les plus gros étaient forcément très sympas parce qu'on pouvait ranger plein de trucs. Mais tu sais, quand on les achetait, des fois, il y avait des fausses cartes d'identité. Oui, c'est ça. Moi, j'ai gardé les faux trucs dedans. Mais tu sais, il y avait des trucs genre carte de détective et tout. T'as jamais eu ça? Les faux permis. Les faux permis, je m'en souviens. Ça, c'était assez rigolo, quoi. Du coup, on les gardait. Il n'y avait rien. Et puis moi, j'avais jamais d'argent de poche. Bah, moi, j'avais trois pièces. Des fois, des gamins oubliaient des centimes. C'est ça aussi. Dans les chambres. Il a acheté un détecteur de métaux pour les trouver les pièces que les gamins oubliaient dans la cour du centre de loisirs. C'était magnifique. Mais bon, en tout cas, ce fabuleux portefeuille, c'est vrai que moi j'ai eu des amis. On a tous eu quoi. Qui en avaient des tellement épais que, enfin, tu sais pas, tu. Ah, ça le prenait, truc ça était tout déformé. C'était un truc une brique. Quand tu sortais... une arme blanche de troisième catégorie. Et quand tu sortais ta carte bleue La Poste, tu sais, bridée la Visa Electron ou je sais pas quoi. Elle était toute tordue quoi, et, limite fendue parce que le truc. Ah ouais, et tu mettais ça dans ta poche et ouais, t'avais. Ton pantalon il doublait de volume et de poids. Ah, qu'est-ce que vous mettiez dans vos portefeuilles? Mais moi j'avais les cartes de détective qui avaient à l'intérieur le faux permis. J'avais mes cartes de fidélité Jouet Club, le magasin de jeux vidéo du coin. T'avais etc. une carte de fidélité Jouet Club toi? Tes parents ils allaient chez Jouet Club? Moi j'avais une carte de la maison du cadeau qui était le magasin de jouets de chez moi. Ok, bon donc oui effectivement et d'ailleurs bah de toute façon ça existe encore hein, ce type de portefeuille Ouais, on en voit toujours. De toute façon ça me donne envie d'en avoir un. Le velcro est arrivé à tout point de vue dans les années 80, les chaussures, les baskets velcro, le portefeuille velcro, il y avait sur certains manteaux. Il y avait des fois c'était avec du velcro, tu vois. Et le gros problème c'est que souvent il y avait des fils qui se mettaient dedans. Il y avait des trucs qui se mettaient et t'essayais de le choper avec le truc accroché de l'herbe. Ouais voilà, ou de l'herbe tout simplement qui se mettait et dedans. Quand tu le lavais une fois, je dis ça se déformait le velcro et donc du coup après c'est l'enfer, tu pouvais plus fermer des trucs. C'est pour ça qu'ils mettaient des toutes petites bandes, plusieurs bandes sur la longueur du manteau par exemple. C'était pas une longue bande, c'était plein de petites bandes. Parce qu'ils prévoyaient que ça allait foirer à un moment et voilà. Le velcro, la classe. Bon, alors après ce portefeuille velcro, on va parler d'un autre choix qui est la pump. Alors la pump, qu'est-ce que c'est? La pump. L'objet de toutes mes jalousies incarnées dans une seule paire de chaussures. La pump est née en 1989, donc assez tardivement dans les dans les années 80. On est dans les 80. C'était Reebok qui faisait ça, et donc la première pub pump, bah déjà on va commencer par se l'écouter, et puis on parlera après de la chaussure. Donc oui, cette fameuse pub qui montrait un individu qui se jette d'un avion, qui gonfle sa basket pump avant de sauter sur son ce espèce de surf là, et qui fait une chute libre. Donc le principe de la pump était assez simple, c'était une chaussure sous coussin d'air, ni plus ni moins. Adaptée multisport, donc à titre personnel, moi j'avais le modèle tennis. Donc vous aviez une balle de tennis à la place de, pour le gonfler sur la languette. Et il y avait un petit bouton à gauche de cette balle de tennis pour le dégonfler si vous aviez trop gonflé votre chaussure. Donc a priori, ça avait des vertus de maintien pour la pratique sportive et justement le permettre de doser l'amorti et le maintien sur la chaussure. Je pense que c'était juste un gadget. Un coup marketing. On peut résumer ça à un coup marketing, mais c'était parfaitement réussi. C'était génial et enfin bon, moi... Voilà, ma jalousie incarnée dans une paire de chaussures, c'est mon frère a eu des pumps. Lui, il a eu la version basket. Et pourquoi t'as pas eu de pump, toi? Parce que, en fait, on trouvait pas ma taille à Saint-Afrique. Oh, j'ai pleuré. Je crois que là. Sachant que la pump était très chère. Honnêtement, moi, j'ai eu une paire de pumps. Mes parents étaient d'accord. Ça devait valoir à l'époque autour de 1000 francs. Et comme vous sortiez jamais de Saint-Afrique, du coup. Non, mais en plus. J'ai jamais eu des pumps. Non, mais j'ai jamais eu mes pumps. Voilà. On trouvait pas. Voilà. Et lui, il avait donc le modèle noir, qui arrive un petit peu plus tard, dans les années 90. Et donc, t'as récupéré avec le ballon de basket. Non. Donc, la basket montante. Et, en fait, chaque fois qu'il venait s'asseoir à côté de moi, j'arrivais, et puis je faisais. J'essayais de gonfler le truc, quoi. Ouais, mais c'est super bien, la pump. Ouais, ça faisait ce bruit-là. Il avait pas étudié le temps. Et ça s'abîmait très vite, par contre. Voilà, le gros problème, c'est ce que j'allais dire, la durée de vie. Alors, j'ai encore mes pumps tennis. Ma mère conserve un peu tout. À part ton permis dans le dune. Voilà, ma mère conserve un peu tout. J'ai encore ma paire de pumps et c'est vrai que le problème, c'est que au fur et à mesure de la pratique sportive, ça avait tendance à se dégonfler avec le temps. Donc, mais honnêtement, c'est quand même des chaussures qui sont assez jolies, quoi. Au-delà du gadget où tu pompes pour gonfler la languette, elles étaient jolies, quoi. Ah, c'était chouette. Même les blanches. Moi, j'aimais pas trop les grosses blanches. Mais c'est vrai qu'après, c'était l'époque aussi où démarraient en face les Nike, Air Force et compagnie. Avec du Jordan début des années 90, donc c'est vrai qu'après je pense qu'il y a eu une grosse concurrence et que c'est tombé un peu, ça a duré quoi, 4-5 ans les pumps, je dirais, en gros jusqu'à 93, un truc comme ça. Et je pense qu'effectivement, au-delà du coût marketing et étant donné que la durée de vie était quand même faible et le coût conséquent, ils ont abandonné. Et puis surtout Reebok s'est réorienté, enfin a subi la grosse concurrence d'Adidas et de Nike, Et d'ailleurs, Reebok a été racheté par Adidas en 2005. Donc du coup, c'est vrai que ça a été. Mais tout le monde se souvient effectivement de cette pub avec le mec qui sort, qui saute de son avion après avoir gonflé sa chaussure. Voilà. Donc c'était pour les pumps. Pour continuer tranquillement, on va demander à Charlotte de nous parler de guêtres et de fuseaux, comme ça. Pour ça rester, une grosse, pour rester dans une thématique sportive. Une grosse transition. Hein, voilà. Alors moi, bien sûr, dans ma jeunesse, hein, comme toutes les jeunes filles respectables de mon village, j'ai fait de la danse classique. J'avais horreur de ça, mais j'ai quand même fait de la danse classique. Et le summum du style, quand on allait à la danse, c'était de faire comme dans Flashdance, bien sûr, et d'adopter la guêtre. Et comme toi, j'en ai jamais eu. Et en fait, ça reste. Ah bon? Ça reste vraiment une frustration. Enfin, c'est le. Moi non plus, j'ai pas eu de guêtres. Je t'achèterai des pumps, tu m'achèteras des guêtres un jour. Et c'était quand même le. Enfin, c'est le truc qu'on mettait au-dessus de la chaussure, au-dessus du collant, pour en fait avoir les chevilles. Non mais. Enfin, au départ, c'est pour avoir la cheville chaude pendant l'échauffement. Ouais, non mais ça, c'est du bluff, ça, non? C'est du bluff. Voilà. C'est le style. Voilà. Parce que les nanas. Bon, si, parce que les nanas, les grandes qui étaient avec nous. Qui dansaient, si elles se mettaient leurs guêtres pour mais se chauffer, joli, elles c'est joli, moi, je trouve, quand même. Et bah, c'est stylé. Et bah, j'en ai aujourd'hui, figurez-vous. Ouais, bah oui. Et j'en mets plein avec mes jupes parce que, du coup, je trouve ça stylé et je me défrustre. Et la guêtre, c'est quand même... Et voilà, c'est quand même hyper stylé. Et avec la guêtre, qu'est-ce qui va bien avec la guêtre? Ah, les guêtres. Parce que, généralement, t'en mets... Non, mais... Les chaussures. C'est pour le... Les pumps. Le produit, en fait. D'accord, le, voilà. Okay. Les pumps. Aussi, n'empêche, c'était vachement sympa. Sauf tu vois, la basket, parce qu'on avait, aussi des baskets montantes, ouais. C'était Reebok aussi qui faisait ça à la danse, les baskets noires montantes, mais avec le, du coup, hyper plate, enfin, la semelle était vraiment très fine. Parce qu'il fallait, enfin, voilà, avoir un mouvement du pied. Donc ça, plus la guêtre et le fuseau en dessous. Là, c'était le must du must. Et le fuseau, c'est vrai qu'on n'en voit plus du tout. Je sais pas si ça se fait encore à la danse, c'est cette espèce de legging ignoble avec une, il y avait un élastique sous le pied en fait, tu sais, donc t'as le legging qui là à la cheville, oui, et l'élastique vois, qui passe en dessous et qui te maintenait du coup Ils utilisent ça en équitation, je crois. Ouais, ah ouais, peut-être ils doivent en mettre encore. Pantalon de cheval, c'est encore ça. Les noirs, les pantalons qui puent, quoi. Et nous on mettait ça, avec une espèce de rayure dans le tissu. Voilà, c'est ça évitait que ça remonte, mais ça te faisait un espèce de truc, tu vois, si tu mettais ça tous les jours, hyper rigide, hyper droit, c'était pas très très élégant. Je vois pas trop l'intérêt en fait. Parce que dans un mouvement de danse, tu sais, t'es par terre, tu fais des trucs, des mouvements de sol, etc. Et voilà, et ça a été adopté en fait, enfin dans le style de tous les jours. C'est au moment justement où sont sortis tous les films de danse, Flashdance, Fame et compagnie. C'était la grande mode en fait, ces trucs-là. Donc le fuseau, la guêtre et le sweat justement par au-dessus, découpé aux épaules, tu vois. Le style. Non mais si, c'est vrai. C'était et puis la basket montante. Ça, c'était vraiment le pur style. C'était fluo. En fait, il y avait quand même un gros engouement pour le style sportswear quand même. Ouais. Tu vois, le truc de tous les jours, mais classe et sexy quand même, tu vois. Oh, t'arrêtes. Elle est tout émue, on le sent. Ah non, mais là, tellement de souvenirs. Le trémolo dans la voix est présent. Et j'ai jamais eu de guêtre, voilà. J'avais des collants de danse rose et des fuseaux. Mais tu t'es rattrapé maintenant. Ouais. Maintenant, j'en mets. Mais tu fais plus de danse. Ouais, mais je fais du patin, donc j'en mets aussi. Ah, c'est vrai. Bah écoute, Imraj, tu vas nous parler de visière et autres casquettes. Ah, mais ça pour moi, c'est le... Aussi, pour aller avec la guêtre et le fuseau. Hein. Ça va... Alors là, par contre, j'en ai eu, ça coûtait pas cher. Mes parents m'en achetaient. Mais en fait, c'est un excellent souvenir. Parce c'est qu'on cadeau, mettait... c'est Ricard qui a dit. Il y a eu une période... Non. Il y a eu, je sais pas, ça a duré 2 ans, 3 ans. On portait ça tout l'été avec les potes. C'était des casquettes qui étaient ouvertes. Nulle part. Ferme ta bouche. Pardon. Laisse-moi parler. Donc c'était des casquettes qui étaient ouvertes sur le dessus, avec il y avait deux parties donc distinctes très avec dans du, la protection pour le soleil. Une espèce de plastique coloré, donc bleu, rouge, vert, etc. Donc il y avait la visière qui était bleue ou rouge et une autre partie au-dessus qui était aussi transparente comme ça, voilà. Potentiellement, je pense pas que ça protégeait beaucoup du soleil. Les golfeurs ont repris ça. Ouais, ouais. C'est, ouais. Ils ont des visières comme ça. Bah peut-être maintenant il y a des traitements UV et tout ça, il y a des normes, voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque ça protégeait rien. Mais en fait c'était un excellent truc pour jouer quoi. Et tu l'as porté sur le côté comme ça ? Non. En fait on l'a retourné et la partie qui est au-dessus de la tête, il y avait une visière transparente et on la mettait par-dessus les yeux et en fait on voyait rouge. Donc par-dessus les yeux, c'était tout rouge et on jouait à Robocop comme ça. Et bon bah c'est tout bête mais en fait je sais pas, ça a été très court. Il y a eu un moment où tous les enfants avaient ça. En tout cas, en Aveyron et ouais, en colonie de vacances. Non mais en colo, il y en avait plein qui venaient de partout et il y en avait quoi. Il y en avait plein. Je sais pas si ça protégeait du soleil. Non, je pense mais pas. Mais le crâne ça avait un fort potentiel ludique, hein. Voilà. J'aimais bien. C'est rigolo. Et souvent, le problème, c'est que c'était pas un plastique très rigide et il se tordait. Et des fois, carrément, on le pliait, donc ça faisait une espèce de grosse tache blanche et sur le plastique. La fameuse tache blanche sur le plastique. Enfin, trace, tout sur la longueur. Quoi. Quand voilà. T'as tordu le plastique. Bref, c'est beaucoup de souvenirs. C'était pas forcément un phénomène de mode, mais ouais, ça a touché quand même les gamins. C'était vraiment rigolo. Moi, je revois plus des trucs fluo, tu vois, genre rose, vert. T'as des couleurs bien flashouilles, bien. Ah moi je revois la rouge effectivement, la rouge bleu. Rouge bleu, ouais. Après, il y a eu du vert sûrement. Rose forcément. Mais j'ai pas souvenir que c'était des marques genre du Ricard ou des trucs comme ça. Moi j'ai vraiment. Non, c'était pas le Bob Ricard. Autant le Bob Ricard. Voilà. Oh là là, quelle horreur. Pour le coup les Bob effectivement c'était aussi des années 80. Mon grand père était comment on dit bouliste. Le nombre de trucs Ricard qu'il m'a rapporté. Quand t'as de la chance. Du Rickless etc. Des Bob Rickless, horrible. Le Bob Rickless. Après, Bob Ricard, le Bob Rickless. J'en buvais plein parce que... Du Rickless? Ah ouais, j'adorais ça. Mais, donc, la petite fiole, là, où tu mélanges ça à de l'eau. Non, c'était carrément une boisson, comme une bouteille de bière, sauf que c'était une espèce d'eau sucrée. Oui, mais je connais le Rickless, mais à la base, à l'origine, c'est un petit, une petite fiole. C'est de l'alcool, ouais. Voilà, où tu mélanges ça avec de l'eau, ou que tu mets ça dans un sucre. Tu mets ça sur un sucre pour pas avoir de nausées en voiture. Voilà. Mais après, effectivement, Rickless a tenté, mais je crois que ça n'existe plus. Des sodas, des trucs à la coca. C'était assez bon. Voilà. C'était assez moi, bon. J'aimais bien le Rickless, ouais. Ouais, moi, je me souviens juste du petit truc. Et là, souvenir, d'ailleurs, souvenir d'enfance, quoi. Hein, ils les vendent à l'usine Haribo. Oui, ils en ont chez Haribo, ouais. Okay. Voilà. D'ailleurs, on ira dans 15 jours, c'est ça. Allez, on t'emmène à l'usine de bonbons. Merci! Bref, donc, on sent que la visière rose fluo, a marqué Imraj. Ouais, oublié par les petites filles au centre de loisirs, il était à l'affût pour aller avec son t-shirt. Non, mais ça mes parents me l'avaient acheté. Oui, c'est vrai, ça coûtait pas cher, il a dit. Bon, et ben moi je vais finir avec mon dernier choix qui est le polo de tennis. Alors, il faut savoir que dans les années 80, j'ai pas mal joué au tennis et il fallait donc la tenue pour jouer au tennis. Avec sûrement la star des stars des stars. J'en ai eu plusieurs. J'ai eu plusieurs phases. Il y a eu la phase Agassi. La phase Ivan Lendl, Stefan Edberg. Alors Ivan Lendl, c'était un Tchèque, bref, un style assez particulier avec des raquettes très très spéciales, genre tout petit ami et très long en manche, bref, et qui avait des très très jolis polos, puisque le polo de tennis a été cette espèce d'œuvre d'art chez le pratiquant de tennis. Et après Stefan Edberg est arrivé avec sa tête à tourner dans quoi, Europe, enfin jouer dans Europe, et c'est pareil, il avait des polos assez classe, mais comme tu le disais Imraj, le truc ultime c'était André Agassi qui lui a ramené le côté fluo bleu et rose. Bleu et rose, et puis il y avait un peu aussi noir, rose, le noir en haut, le blanc en bas et des bandes roses au milieu avec des sortes de dégradés. Ça faisait très art contemporain quoi, c'est vrai que si on veut quand même. Ouais non mais et c'était la marque Nike Challenge Court effectivement. Que j'ai encore, hein, le polo, bien sûr. Évidemment. Mon polo, André Agassi. Et c'était également l'époque où on mettait des grips sur nos manches de raquettes de tennis, qui étaient également soit orange fluo, soit rose fluo, soit jaune fluo. Je m'en souviens. Et les anti-vibratoires, tout ça, qui ont commencé à faire leur apparition fin des années 80 et début des années 90. Donc c'est vrai que le polo de tennis, alors c'était les marques Sergio Tacchini, Adidas, Lacoste, Nike. J'en ai eu quelques-uns. Et je vous dis, honnêtement, Lacoste, chaque fois que j'en récupère un à la fin de l'été, c'était jackpot. Parce que Lacoste, quoi. Avec le petit crocodile. Il y avait les faux. Les faux Lacoste. Avec les crocodiles inversés. Le vendeur de fringues d'occasion sur les marchés, quoi. Au kilo. Tu sais, les fringues vendues au kilo, c'est parti de là, quoi, tu vois. C'est lui. Bah, tu sais, les dégriffes tout, c'est moi. C'est ça. Ah, j'ai un faux Lacoste là, qu'est-ce que j'en fais? Je t'en fous, tu remets une étiquette, on va le vendre quand même. Tu prends la photo dans un miroir. Bah oui, c'est bon. Oh, il est un peu grossi, crocodile, c'est pas grave. Enfin bref, mais tout ça pour dire que c'était quand même bien pratique et mieux qu'un t-shirt basique parce que t'avais plus le style à jouer au tennis avec un vrai polo de tennis. Ouais. Tu sais la petite photo que il y a chez ma mère, on n'a pas récupéré beaucoup de photos quand j'étais gamin, mais il y a la grande photo qu'il y a chez moi, j'ai un polo Lacoste je crois dessus. Ah bah écoute, là je pense qu'il va falloir faire une photo de la photo là, je pense. Ouais. Hein, parce que... Ah, j'étais tout mignon encore à cette époque. Je ressemblais à quelque chose quoi. Oh. Bon, alors c'est magnifique. Non, mais j'aimais bien les polos, c'était une matière un peu particulière là, tu sais. Oui, c'était des mailles très épaisses ou je sais pas comment on dit en couture. Une d'abeille. Ouais, ah bah le Lacoste c'est du coton piqué déjà. Ouais, c'est ça. Voilà. J'adorais cette matière. Mais après oui, le polo c'était, enfin ceux de Nike, Agassi et compagnie, c'était plus du coton, tout ce qui est plus standard. Et avec le temps ça a évolué, maintenant c'est beaucoup plus respirant que ça a été à l'époque. Mais non, avec le petit col et tout, ça donnait un look un peu. Et puis il y a plein sympa, de marques. Quoi. Là, ça revient un petit peu. J'en ai acheté pour Enaël. Ouais. Et oui, il y a plein de marques qui reprennent ça, même chez H&M, la petite forme, ouais, avec le petit col, les petits. Même les maillots de foot. Le maillot de l'équipe de France, le dernier, c'est façon polo de tennis. Avec le col et tout. Ah, tu me parles. J'avoue que la coupe est assez jolie. Du coup, mettable autrement que pour faire du sport. Exactement. Tu veux le mettre en soirée. Enfin, ça fait un peu mec. En soirée. Enfin, bon. Attends, avec un pantalon blanc. Tu vas loin. Mais... Ah, si. Ça dépend quelle soirée. Je veux dire, mais. Enfin voilà, donc de bien belles années, ces périodes tennis avec le polo de tennis, les pumps et tout ça. Bon, je crois qu'on a fait le tour de nos sélections respectives. Est-ce que vous avez un dernier objet, un coup de cœur, quelque chose à ajouter sur ce look des années 80? Un coup de cœur. Moi, je dirais, il y a un truc qui est pas passé loin, qu'on a raté, qu'on aurait trop vraiment aimé rajouter dans cette sélection, c'est le sac banane, mais c'est 90. Oui, je suis d'accord. C'est tous, Et ça, vraiment, c'est, je crois que c'est un des premiers objets qui est venu, quand on a commencé à penser au truc, et la déception quand on a vu que c'était vraiment 90. Voilà, pour mettre le portefeuille. Ouais, pour mettre en brocante, envie de grenier. Voilà. Pour tenir la caisse, pour mettre la Game Boy, pour mettre le sac banane du brocanteur. Et oui, donc voilà, effectivement le sac banane indispensable. Je pense que voilà, il fallait qu'on rende hommage au sac banane. Il fallait quand même qu'on lui rende un petit hommage. Je suis d'accord. On commence par Waikiki, on finit par la banane, la boucle est bouclée. C'est ça. Je dis c'est magnifique. Bon, ouais. Tellement bien fait. Ouais, c'est ça. Bon, donc je pense qu'on peut dire qu'on a bien fait le tour. Merci à Charlotte et à Imraj de m'avoir accompagné pour évoquer ces traumatismes. Ces souvenirs. Et ces bons souvenirs des looks des années 80. Et on vous rappelle que vous pouvez nous laisser vos commentaires sur le forum, sur notre page Facebook et sur le billet de ce cadeau Bonux sur le look des années 80. Mmh. Et puis, on peut pas finir cette émission sans diffuser cette fabuleuse chanson. Foutacagoule. Non, Foutacagoule. De La Roche-Valmont. T'as le look coco, bien évidemment. Car look est un mot très typé années 80. Allez, ciao, bonsoir à tout le monde. Salut les gars. Ciao. Salut les filles. demoiselles. Look, costard bleu et cravate. Hey,